Le 17 a eu lieu à Pyongyang la réunion consultative pour la réussite au 5e festival international en l'honneur des grands hommes de Busan en présence de Kim Jong-suk, présidente du comité coréen pour les relations culturelles avec l'étranger et présidente du comité préparatoire coréen pour le rendez-vous en l'honneur des grands hommes de Busan 2017 et d'autres cadres coréens intéressés, du dirigeant national du Parti travailliste mexicain, du secrétaire général du Conseil exécutif national du Parti Zatia du Bangladesh, du secrétaire général du comité central du Parti socialiste national uni du Népal et d'autres personnalités des formations d'amitié et de solidarité comme le comité préparatoire international et les comités préparatoires régionaux et nationaux pour le rendez-vous en l'honneur des grands hommes de Busan 2017 en séjour à Pyongyang pour célébrer la journée du soleil. L'allocution de félicitations de Kim Jong-suk a été suivie d'autres interventions. Les orateurs ont appelé toutes les organisations politiques et sociales progressistes du monde à mener des activités dynamiques pour Auréoler 2017 comme année de respect envers les grands hommes de Busan. La réunion consultative a discuté en détail sur l'orientation des activités pour la réussite au 5e festival international en l'honneur des grands hommes de Busan. Pour terminer, les participants ont adopté une lettre à l'adresse des dirigeants suprêmes Kim Jong-un.